Cup! Toujours la même groupe dans le bon Saint-Martin au furieux. Plus le rêve est matériel, mon éveil est tant plus sentier. Quand mon terre percolade, on doit se lever une petite bonheur. Mon très chien dans un tournoi, mon nourrir se sent très droit. Mes paupières sont lourdes, mes oreilles sont sourdes. C'est mon armoire qui m'a sorti de toi. Mes paupières sont lourdes, mes oreilles sont sourdes. C'est mon armoire qui fait mille jusqu'au soir. Salut, vous écoutez Sous Pression, une émission de punk, ska et hardcore francophone qui diffuse en ligne à partir du souspressionpunk.com et aussi en ondes à Ottawa à partir du CHUO 89.1 FM, à Yellowknife au CIVR 103.5 FM et à IKL8 au CFRT 107.3 FM. Moi, je m'appelle Mathieu et je suis avec vous pendant 60 minutes. Je vais vous faire jouer du punk, du ska et du hardcore, bien sûr, tout en français. Et on a commencé l'émission avec les ordures ioniques de leur EP Kick la Cacane, un EP qui est sorti plus tôt cette année. C'est vraiment le premier EP du groupe depuis le premier album du groupe depuis qu'ils se sont séparés il y a, je pense, plus que 10 ans. Le morceau s'appelait Noir Matin. C'est ça, bonne musique, pleine vie pour vous cette semaine. Je vais faire jouer une autre chanson. Ben, on va continuer avec une chanson par un groupe qui a aussi sorti un bon EP plus tôt cette année, le groupe Rex. Leur EP s'appelle Coups et blessures. Le morceau que je vais faire jouer s'appelle L'arme de crocodile. Alors voici Rex sous pression. We'll be right back. Thank you.

Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter Les Esclaves Salariés de leur album Un Problème S'ensuit. C'était le morceau Machinerie Lourde. Avant ça, La Gâchette avec Homme Politique de leur album Ne Renoncera Pas. Du Black Pigeon avant ça avec Temps de leur album On Se Partagera Les Miettes. Du Pogo Marteau avec En Tant Qu'Office de Prolo. Opération Dynamo avant ça avec Pansouillard de leur album Ego Persécution. Le groupe Opération Dynamo composé d'anciens membres du groupe Eric Panic, c'est super bon, et je sais pas si le groupe Opération Dynamo existe toujours, j'ai pas entendu beaucoup de nouvelles d'eux, mais depuis qu'ils ont sorti l'album, mais c'est, en tout cas, ils nous ont laissé au moins avec cet album-là, pis c'est bon. L'équipe avant ça avec le film de l'Arquipi, Nos Points Meurtris Levés, Les Mollards avec La Proie, et on a commencé le bloc avec Rix et leur chanson Larmes de Crocodile de leur EP Coup et Blessure. Alors, on est rendu mi-chemin de l'émission. Je vous rappelle que Sous Pression a un site web. C'est, bien sûr, si vous écoutez à partir du site web, ben, vous le connaissez. Mais si vous écoutez à Ottawa, Yellowknife ou à Iqaluit, c'est le souspressionpunk.com. Souspressionpunk.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web ou aussi voir les chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. Si vous avez une demande spéciale, commentaire, plainte, n'importe quoi, envoyez un message au courriel info@commercialsouspressionpunk.com, info@commercialsouspressionpunk.com. Et bien sûr, on a une présence sur Facebook, c'est facebook.com/souspression. Alors, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aller nous aimer, ça fait plaisir d'avoir du nouveau un monde qui nous aime. C'est ça. Je continue avec le bloc sono mondial. C'est le moment que je fais jouer deux chansons par un groupe qui chante ni en anglais ni en français. Cette fois-ci, pour la première fois, je pense, je fais jouer un groupe que j'ai déjà fait jouer pendant le bloc sono mondial. Je fais jouer le groupe Kalashnikov. C'est un collectif italien, il s'appelle Kalashnikov Collective. Ils ont sorti un album récemment, il s'appelle L'Algebra Morente del Cielo. Je vais faire jouer deux chansons de l'album parce que j'adore Kalashnikov, ils sont vraiment bons, c'est quelque chose, c'est du punk très intéressant qu'ils font. Je vais faire jouer le morceau La Vendetta degli Stelli Recisi et le morceau L'Algebra Morente del Cielo. Alors voici du Kalashnikov à sous pression. splendore. La bellezza che mangia questo mondo di violenza, di ventri rotti e di illusioni, io la cercherò tra le note di una musica sbagliata, tra ricordi lacerati ai cuori dei nostri vive. Resta la gran parte dei tuoi occhi disperati. L'ombra che vedi lassù è un pezzo di cielo che manca, sbranato dai cani che fanno la guardia alle nostre paure socchiuse, ma vivo i muri di questa realtà, c'è una presa di corrente alla quale collegare e con sangare alle stelle e matare incontroci a cui non we'll be right back. m'interroger. Ils ont bien droit à leur petite rêve. Et moi, elle sert pour le pavé. Une nuit sans lune nuage, le vent se lève pour son coco. Un réconfort, son visage sous les lampadaires. Ton arion me rappelle, me souviens. Et même que finalement j'y crois. Et je vois, et je meurs un peu plus à chaque fois. Je reste dans l'impasse de cette nuit froide, cette nuit d'acier, au royaume des oubliés. Nulle parole de réconfort, ni même caresse illusoire, pour un sommeil bien mérité, pour un peu de répit dans la nuit noire. Je me rappelle, je me souviens, et même que finalement j'y crois. Et je vois, et je meurs un peu plus. Dans les cieux. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter Jeunesse Apatride de l'album Jusqu'au bout. C'était le morceau Sombre Présage du Chicken Skull avant ça, avec Jour après jour, du Kamikaze par J'aurais voulu avant ça, de leur album Le Feu Sacré, du Scrap avant ça avec le morceau Scrap, Mayday avec Si Seulement, du Resaca Sonora de leur album Buenaventura, on a écouté le morceau Toile d'Orient. Et avant ça, on a commencé le dernier bloc avec du Kalachnikov de leur plus récent album, L'Algebra Morente del Cielo. C'était les morceaux La Vendetta, Degli Stelli Recisi et le morceau L'Algebra Morente del Cielo. Alors c'est ça, je vais laisser avec un dernier morceau du Tachanka. Ils ont sorti un EP, je pense, en 2013, si je me trompe pas. L'EP s'appelle Vengeance de classe et je vais faire jouer cette chanson-là, Vengeance de classe. Alors voici du Tachanka à Sous Pression. Passez une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même temps si vous écoutez à la radio, et bien sûr à partir du lundi en ligne à souspressionpunk.com. Au revoir. Go!